Et voilà, on est de nouveau ensemble, c'est Loïc avec vous bien sûr, il est déjà 11h passé de 15 minutes et en ce 6 mars 2026, comme je vous disais, c'est quelques semaines, nous allons parler des marchés hebdomadaires un petit peu parce que c'est vrai que ça commence à se perdre tout doucement et bah, c'est le moment d'en reparler hein, petit à petit. Donc on a voyagé, on est allé à Arcy, à Fère Champenoise, on était à Romilly-sur-Seine pour commencer la semaine. Et pour terminer cette semaine, on part de Romilly, on va de l'autre côté des plaines de Champagne, à la limite, à Vitry-le-François. Avec un rendez-vous incontournable, le marché de Vitry-le-François. Alors tous les vendredis matins, vous retrouverez des producteurs, des artisans, des commerçants, voilà, qui vont animer la place centrale avec des produits du terroir et bien sûr les spécialités régionales. C'est une sortie parfaite pour préparer votre week-end, n'hésitez pas, la place est assez grande, le marché est assez dynamique, les beaux jours reviennent tout doucement, voilà, c'est le moment, faites vivre également vos artisans locaux, voilà, ils sont quand même là, ils font du très bon travail, donc n'hésitez pas. Allez, c'est Loïc avec vous jusqu'à midi, on est vendredi bien sûr, le week-end approche tout doucement, je vous accompagne déjà pour cette matinée, on se retrouvera bien sûr demain matin dans le carnet des plaines week-end. Mais là, en attendant, place à la musique et à la suite des chroniques.